J'ai commencé en bas comme un hypercute. Silence dans la salle, mes broliques discutent. J'suis en boîte avec 10 putes, j'te laisse les disputes. Sur le Coran, on fera taire tous ces fils de pute. J'suis vulgaire et le quartier qui fouinit. Négro déformaté, t'as le flow d'un Happy Meal. Dans la tête, ta sœur a tourné comme un vinyle. Poucav, on t'a grillé comme un feu de jeu en civil. Changer de cellule quand ta daronne, changer tes couches. Tu repousses ton album, fausse couche. Internet, radio, télé, mec, j'suis tout part. Ta mère traîne avec nous, cougar. Merde, j'ai plus de place sur mon passeport. J'ai plus de place sur les murs pour tous mes disques d'or. Casablanca, Darbeda, j'suis venu péter le score. Et quand j'sors, pas d'escorte. Rajoute des zéros comme sur mes bulletins. Crois pas que j'ai marre sur du sang, c'est mes loups boudins. MC perd ton âme comme au DJ. J'ai des liens de billets lourds, des sommeils légers. Que ces bâtards de haineux aillent se faire enculer. J'suis bon en maths, mais j'ai pas le temps de les calculer. Fouini Babe 78 représente. 6h du mat, boum boum, descente. Recharge, recharge, recharge, recharge. Les jaloux, je les vois pas, appelle-moi recharge. J'ai besoin d'un avocat, j'ai violé les charges. Recharge, recharge, recharge, recharge. Les jaloux, je les vois pas, appelle-moi recharge. J'ai besoin d'un avocat, j'ai violé les charges. SOB, stack so big. Clip so big, crib so big. I said her ass so big, the stack so big. Clip so big, a crib so big. That whip on drop, my head on lift. You trip, I fire, get the fuck off me. I'm with that bitch you ate. Do that shit you watch. Count to 10 mil straight. This a big face watch. I got 10 chains on, 10,000 hoodie. Bitch, black Trayvon. From the South Bronx boom. Drive coupe is alright. Grand Cruise on ice. Fuck you, I'm alright. Paid dues my whole life. Drive came with the pilot. Big face op. Look like style. I'm good at a block. Drive came with the pilot. Big face op. Look like style. I'm good at a block. Montana. Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Les jaloux, je les vois pas, appelle-moi Ray Charles. J'ai besoin d'un avocat, j'ai violé les Charles. Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Ray Charles. Les jaloux, je les vois pas, appelle-moi Ray Charles. J'ai besoin d'un avocat, j'ai violé les Charles. Nouveau classe, hey, j'ai besoin d'un chauffeur. Ma pute est carie, j'ai besoin d'un traducteur. J'suis dans le secteur. Pas besoin de suceur. J'arrive en CBR, mon frère t'arteque le booster. Si je devais baiser tous tes fans, je serais encore puceau. J'ai perdu mon portable, mais j'ai toujours mon réseau. Drapeau rouge, vert, Morocco gang. Casablanca, ma fierté, frère anti-baltringue. Viens pas tester la PS, négro full camp. Tu frappes à long feu comme un mineur au Vatican. J'suis mon propre patron, j'ai mon propre label. En ligne avec la SACEM, le banquier en double appel. Dans Capital du Crime, j'ai pas été assez clair. Donc va niquer ta grand-mère.fr. J'peux casser ton contrat avec ce que j'ai sur le poignet. Les jaloux, j'les vois plus, Gilbert Montagnier. Ray Charles, Ray Charles, Ray Charles, Ray Charles. Les jaloux, je les vois pas, appelle-moi Ray Charles. J'ai besoin d'un avocat, j'ai violé les Charles. Ray Charles, Ray Charles, Ray Charles, Ray Charles. Les jaloux, je les vois pas, appelle-moi Ray Charles. J'ai besoin d'un avocat, j'ai violé les Charles.